Bienvenue à Futur Simple sur CKRL au 89.1. On remarque depuis un certain temps que des vedettes font la promotion de la diète sans gluten, que certains détaillants ont créé une marque maison de produits sans gluten. Bref, ça semble être très populaire ou une nouvelle vague de ne pas manger d'aliments qui contiennent du gluten, comme si le gluten était out. Alors, quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit à l'évocation du mot gluten? Est-ce que c'est une tranche de pain, une protéine retrouvée dans les céréales ou un mode alimentaire, la maladie cœliaque ou un sujet sensible à éviter? Alors, pour faire la lumière sur le sujet, je reçois Normand Voyer, professeur de chimie à l'Université Laval, et Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition en pratique privée. Bonjour Karine. Bonjour François. Bonjour Normand. Bonjour. Alors, on est très content de vous revoir à Futur Simple. Commençons par le début. Qu'est-ce que le gluten et quel est son rôle? À quoi ça sert, Karine Gravel? Bien, le gluten, ça vient du mot latin « glu », qui veut dire « colle ». Donc, le gluten, il donne du volume et de l'élasticité aux produits de boulangerie. Donc, il permet aux ingrédients de bien se lier ensemble. Donc, évidemment, quand on pense gluten, on pense au pain, aux pâtes alimentaires, mais on en retrouve aussi dans la bière, dans certaines charcuteries, dans des sauces, des assaisonnements. Et le gluten, bien, il désigne certaines protéines qui sont présentes dans le blé, et ce qui inclut aussi l'épeautre et le camut, qui sont des variétés de blé. On en retrouve aussi dans l'orge, dans le seigle, le triticale, donc ça c'est une céréale qui est un hybride du blé et du seigle, et aussi dans l'avoine régulière. Donc on en retrouve dans plusieurs céréales. Donc à la base, l'avoine ne contient pas de gluten, mais elle fait quand même partie des céréales qui peuvent en contenir en raison du risque élevé de contamination croisée. C'est parce que l'avoine est souvent cultivée, transportée ou moulue dans les mêmes environnements que les céréales ou produits alimentaires qui vont contenir du gluten. Peut-être que vous avez déjà entendu avoine pure. Donc ça, c'est Santé Canada qui a créé l'avoine pure cultivée dans des champs qui sont réservés à cette culture-là. Donc toutes les étapes, là, la culture, la récolte, le transport, l'entreposage, l'emballage, sont contrôlées pour éliminer le risque de contamination. Effectivement. Et malgré tout, ben, l'avoine pure peut ne pas être tolérée par les personnes allergiques au gluten. Donc, il y a des études là, qui se déroulent actuellement sur la réaction immunitaire à l'avénine, qui est une protéine contenue dans l'avoine. Et quand on est allergique au gluten, on a la maladie cœliaque. OK. Et pour un chimiste, Normand Voyer, qu'est-ce que le gluten, en fait? Qu'est-ce qui rend le gluten utile dans la fabrication d'une myriade de produits? Oui, mais c'est intéressant, le gluten, parce qu'en fait, le gluten, là, c'est ce qui sert à protéger le germe de la plante. Son rôle, là, c'est ça. Okay, c'est un rôle important, donc. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est une protéine de structure, qu'on appelle comme ça. Et ça sert aussi de réserve de carbone, d'azote, de soufre lorsqu'il y a germination. Bien là, la graine, elle a besoin de ces éléments-là. Et donc, elle va le prendre dans le gluten. Mais le gluten, quand on parle le gluten, c'est en fait deux types de protéines. Il y a la gliadine et les gluténines. C'est en fait 50 protéines différentes. Leur structure est très complexe et encore peu élucidée. Ce sont des structures de protéines très, très complexes. Mais c'est intéressant parce que de plus en plus, on commence à mieux comprendre ces protéines-là. Ils ont des propriétés physico-chimiques absolument fantastiques. Écoutez ça. Ils forment des gels visco-élastiques. Ça veut dire que ça forme des espèces de tissus éponges qui vont s'étirer. Et ces gels-là ont une propriété incroyable, là. En formant tous ces milliards d'interactions, des espèces de spaghettis moléculaires, ils ont la propriété de piéger des centaines de milliards de molécules de gaz, de l'air, mais aussi du CO2, du dioxyde de carbone qui est produit dans la fermentation. Okay. Alors, c'est pour ça, c'est ce qui permet au pain de lever lorsqu'on va faire du pain ou des croissants, etc. C'est vraiment une protéine super importante et donc ça permet de faire presque tous les produits de boulangerie qu'on connaît. OK, parce que dans le fond, ça joue sur la viscosité et l'élasticité quoi, de la pâte, c'est ça? Exactement. Donc, ça permet de faire une espèce de spaghetti qui va faire que, donc, lorsqu'on va pétrir, on va pouvoir étendre ces réseaux-là, de ces protéines-là ensemble. Et c'est pour ça que le blé est utilisé dans la fabrication du pain, puisqu'il contient beaucoup de gluten, qui est effectivement l'ingrédient principal pour faire du beau pain qui va construire. Donc, si je comprends bien, le gluten a des propriétés physico-chimiques qui en font une substance très intéressante en cuisine. Tout à fait. C'est pas pour rien qu'on l'a choisi comme ça. Et puis, tous les grains qui possèdent du gluten vont être utilisés pour faire de la boulangerie. OK. Et c'est pas nécessairement que ça ajoute au goût, j'imagine. C'est probablement plus pour la... Mais ça ajoute aussi au goût. Tantôt, je vous en parle. OK. Alors, en introduction, je disais qu'on associait le gluten et maladies cœliaques. Alors, qu'est-ce que la maladie cœliaque, Karine Gravel? C'est une maladie héréditaire qui va déclencher une réaction immunitaire lorsque la personne allergique consomme du gluten. Mm-hmm. Donc, il y a des symptômes digestifs là, qui peuvent être ressentis, comme par exemple des douleurs abdominales, des ballonnements, de la fatigue ou une perte de poids. Et cette réaction immunitaire-là, elle crée une inflammation qui endommage la paroi de notre intestin. Okay. Notre intestin est constitué, là, de villosité et de micro-villosité. Donc, ce sont des petites structures en forme de vagues qui absorbent les nutriments. Donc, si on étirait la paroi de notre intestin, là, ça prendrait beaucoup, beaucoup de place. C'est ce que ça veut dire. Donc, ces structures-là, elles sont détruites lorsqu'il y a une présence de gluten dans l'intestin, lorsqu'on est allergique. Et si l'état inflammatoire persiste, bien, la paroi de l'intestin grêle peut s'endommager et devenir incapable d'absorber certains nutriments, vitamines et minéraux. Alors, si je comprends bien, une personne atteinte de maladie cœliaque risque d'avoir certaines carences alimentaires. Bien oui, si elle continue de manger du gluten puis que l'état inflammatoire persiste. Okay. Donc, les personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque doivent absolument éliminer tout le gluten de leur alimentation puis prendre aussi plusieurs précautions pour l'éviter. Parce que du blé qui contient du gluten, on peut en retrouver dans plusieurs endroits qu'on douterait pas. Par exemple, on peut en retrouver dans les vitamines, dans les médicaments, dans certains produits de beauté comme des rouges à lèvres et même des produits pour les cheveux. Donc, c'est pas juste dans les aliments. Donc, tout ça pour dire, en fait, comme on disait tout à l'heure, ce sont les propriétés physico-chimiques du gluten qui font qu'il peut rentrer dans la composition de plein de trucs. Oui, c'est extrêmement difficile à remplacer par d'autres produits. OK. Alors, je comprends, effectivement. Alors, connaît-on l'incidence de personnes atteintes de la maladie cœliaque au sein de la population, Karine? Mais on estime qu'un peu plus de 1% des Canadiens et des Américains, donc une personne sur 133, est atteinte de la maladie cœliaque et doit éliminer le gluten de son alimentation. Et est-ce que les causes de cette maladie sont connues? Pas pour l'instant, mais il y a des pistes. Donc, il y a des facteurs génétiques et environnementaux qui sont impliqués dans l'étiologie de la maladie. Donc, par exemple, auprès des personnes génétiquement prédisposées à la maladie cœliaque, l'intestin semble plus perméable auprès de plusieurs d'entre elles, mais pas toutes les personnes en même temps. Puis, on sait aussi que lorsqu'un membre de notre famille proche est atteint de la maladie cœliaque, la probabilité qu'on le soit aussi est d'environ 10 à 15 %. OK, donc elle est légèrement augmentée. Là, beaucoup plus élevée. Hein? Okay. Puis, les chercheurs ont aussi identifié certains gènes présents auprès de plus de 95 % des personnes atteintes de la maladie. Okay. Donc, on est sur des pistes. Et en même temps, c'est complexe parce que la maladie n'apparaît pas non plus auprès de toutes les personnes qui sont prédisposées génétiquement. Puis, il y a d'autres éléments qui sont à considérer dans le déclenchement de la maladie, comme par exemple une infection intestinale, un traumatisme ou même une grossesse. OK. Donc, si je comprends bien, les gènes seraient impliqués, mais qui ne s'expriment pas nécessairement, quoi. Voilà. Et il y aurait probablement aussi des éléments déclencheurs. Alors, comment peut-on diagnostiquer la maladie cœliaque? Le diagnostic se fait sous supervision médicale. Donc, on débute par des tests sérologiques, par un prélèvement sanguin, quand on soupçonne que la maladie peut être présente. Et puis ça permet de détecter si on a un taux anormalement élevé de certains anticorps qui reflète là, l'état inflammatoire. Okay. S'il y a un état inflammatoire, bien, par la suite, on peut procéder à des tests histologiques. Donc, ici, c'est un peu plus invasif. Donc, ça va être une biopsie pour prélever des tissus de l'intestin qui vont permettre d'analyser l'état des villosités de l'intestin, donc les petites structures en forme de vague là, dont je parlais plus tôt. Et c'est pour vérifier si elles sont normales, partiellement ou même totalement détruites. Okay. Et finalement, c'est le fait de suivre une diète sans gluten qui va confirmer ou infirmer le diagnostic de maladie cœliaque. Donc, si on pense être atteint de maladie cœliaque ou on a des doutes, c'est très, très, très important de suivre une diète sans gluten sous supervision médicale pour ne pas rendre le diagnostic plus difficile à établir. Mm-hmm. Donc, si, par exemple, on a des doutes, puis on cesse le gluten par soi-même avant les tests médicaux, mais là, on fausse le diagnostic à ce moment-là. Okay. D'où l'importance, effectivement, d'avoir vraiment un avis médical. Là, ah oui, avant de retirer le gluten de son alimentation. Effectivement. Mais Karine, quels sont les traitements médicaux qui sont disponibles pour une personne atteinte de la maladie cœliaque? Mais pour l'instant, ça peut changer, mais le seul traitement de la maladie cœliaque, c'est d'éliminer le gluten pour toujours, là, puisque la maladie, elle est permanente. On ne guérit pas de la maladie cœliaque présentement. Donc, OK, je comprends. Donc, simplement éviter d'être exposé à cette substance-là, au gluten. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des médicaments ou des thérapies à l'étude, Normand Voyer? Oui, en effet, c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas de traitement, c'est vrai, il faut le dire, mais il y a de l'espoir. Okay? Okay. Je ne voudrais quand même pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. La recherche a beaucoup progressé sur cette maladie-là, puis maintenant, on comprend mieux les aspects moléculaires. C'est-à-dire qu'on sait que quels sont les fragments de la gliadine qui sont produits, qui sont responsables de l'effet inflammatoire. Uh-huh. Alors donc, plus on comprend la maladie, bien, plus on peut développer des approches pharmacologique pour traiter ça. C'est intéressant qu'il y a plusieurs approches qui sont mises en branle en ce moment par plusieurs compagnies. Par exemple, il y a une compagnie qui a réussi à trouver une façon d'empêcher la gliadine de se cliver et donc de générer les fragments qu'on connaît qui sont inflammatoires. Il y en a d'autres qui, eux autres, permettent de bloquer temporairement ce qu'on appelle une cytokine ou l'espèce d'intermédiaire. Ça s'appelle interleukine 15. Donc, si on empêche ça, on empêche le phénomène inflammatoire. Okay. Mais l'approche que je trouve la plus intéressante, une compagnie qui est assez avancée des études cliniques, c'est ils ont développé une enzyme qui permet de dégrader plus rapidement le gluten. Autrement dit, de faire des plus petits fragments qui ne sont pas inflammatoires. Un peu, vous savez, l'histoire là, de ceux qui sont allergiques, là, on prend du lactaid, là, parce que le lactose, on peut détruire ça. C'est une enzyme qui vient détruire le lactose. Et en fait, si vous êtes intolérant au lactose, ben, vous diminuez la concentration de lactose et ses effets indésirables à ce point de ça. Donc, il y a des approches. C'est intéressant. Malheureusement, on n'est pas dans le collimateur d'un an ou deux. On est plus dans les horizons de 5 à 10 ans. Mais il y a de l'espoir. OK. Ça, c'est important, effectivement. Quelle est la différence entre la maladie cœliaque et la sensibilité au gluten, Karine? Et la maladie cœliaque, c'est quand on a une allergie. Là, la personne, elle a une réaction immunitaire, une production anormalement élevée de certains anticorps. La sensibilité au gluten, elle est parfois aussi appelée sensibilité au gluten non cœliaque. Donc, c'est un ensemble de symptômes gastro-intestinaux semblables à ce qui peut être trouvé dans la maladie cœliaque, mais la différence, c'est qu'on n'a pas de réaction immunitaire. Donc, c'est la réaction immunitaire qui fait toute la différence. Oui, c'est ça. Puis actuellement, il n'existe aucun critère pour établir un diagnostic médical de sensibilité au gluten. Donc, on peut seulement, à partir de tests, éliminer le diagnostic de maladie cœliaque. Mm-hmm. Puis, la sensibilité au gluten, celle-là, c'est généralement un autodiagnostic. On a éliminé d'autres causes, par exemple des symptômes gastro-intestinaux, puis on peut décider là, de retirer le gluten de son alimentation. Donc, on estime qu'il y a 6 % des Canadiens, donc ça veut dire plus de 2 millions de personnes, qui consomment des aliments sans gluten en raison d'une sensibilité au gluten. Okay. Et fait intéressant, de 2008 à 2012, le marché canadien des aliments sans gluten a explosé, vraiment. Mais c'est près d'un tiers des Canadiens qui recherchent des aliments sans gluten. Donc, on voit que ça ne coïncide pas avec les chiffres de maladie cœliaque et de sensibilité au gluten. Donc, ça, c'est certain que c'est avantageux pour les personnes qui ont la maladie cœliaque parce que ça leur procure une variété d'aliments beaucoup plus grande que ce qu'on retrouvait auparavant. Par contre, les fabricants doivent aussi garantir que leurs produits sont réellement sans gluten. Ou pas contaminés, effectivement. Exactement. Et pour ça, est-ce que ça prend presque deux chaînes de production parallèles? Oui, quand on certifie un aliment sans gluten, c'est qu'il va être préparé dans une usine de fabrication qui est vraiment exempte de gluten. OK. Ouais. C'est très important, effectivement. Oui. Et est-ce que c'est possible de produire des farines sans gluten? Et quels sont les substituts qui permettent de faire du pain ou des autres produits sans gluten, Normand Voilier? Bien, si vous utilisez de la farine de blé, ça va être impossible. Je veux dire, certaines céréales, que de toute façon, le gluten, ça fait partie intégrale de ces farines-là. Okay. Il n'y a rien qu'on peut faire à ce niveau-là. Okay. Ce qu'on va faire, on va plutôt utiliser des substituts qui ne contiennent pas de gluten. Celle-là qui est le plus utilisée, c'est la farine de riz, okay, qui vient prendre, parce que le riz ne contient pas de gluten. Et donc, avec la farine de riz, ben, on va tenter d'ajouter des additifs. Et puis, on est rendu assez bon quand même. Il y a des très, très bonnes recettes. Les gens font ça. C'est très difficile de remplacer le gluten. Vous n'aurez pas le même pain et le même croissant. Par contre, il y a des substituts qui sont intéressants. Par exemple, on peut remplacer, pour donner plus d'élasticité, on peut mettre des protéines des œufs, ou on va mettre des gommes de gare ou des gommes de xanthane, qui sont des polysaccharides naturels qu'on extrait de certaines algues, de certaines fèves, et qui, eux, ne contiennent pas de gluten. Ça permet de conférer une certaine élasticité à la farine de riz. Donc, il y a moyen de contourner ça un peu, mais il n'y a rien de parfait dans ce beau monde. Oui, parce qu'effectivement, en fait, du pain sans farine, qui est quand même le principal ingrédient, en fait, est-ce qu'on peut encore appeler ça du pain? Ben oui, en fait, un pain, je pense que c'est une définition, hein. C'est quelque chose qu'on fait cuire au feu. Ouais, moi, je prends ça assez large comme ça ici. Puis, je suis convaincu que les adeptes qui sont habitués à cuisiner avec des substituts peuvent faire des choses vraiment fascinantes. Ça se développe vraiment beaucoup. Je suis pas nutritionniste, là. C'est pas moi la nutritionniste ici. Mais il y a des substituts qui sont quand même assez intéressants, qui peuvent donner des textures qui ressemblent. Et même du goût aussi intéressant peut-être qu'avec de la farine de blé ou... Ça, c'est plus difficile. Peut-être plus difficile. Hein? Alors, les aliments sans gluten sont-ils plus sains ou meilleurs pour la santé? Est-ce qu'on peut tirer cette conclusion-là? Bonne question, hein? Donc, la réponse, non. Donc, d'après l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, puis aussi la Direction générale du Collège des médecins du Québec, l'alimentation sans gluten n'est pas plus saine que l'alimentation basée sur les recommandations nutritionnelles de Santé Canada. Et cette conclusion-là, elle est aussi partagée dans les résultats d'une étude australienne qui a été publiée en 2015, où la valeur nutritive de 3213 aliments avec ou sans gluten a été comparée. Et on est arrivé au même résultat. Ils ne sont pas plus sains. Ils ne sont pas meilleurs pour la santé. Et autre chose aussi, le fait d'éliminer le gluten, ça ne permet pas de prévenir l'apparition de maladies liées au gluten. Ah, c'est quand même étonnant, ça. Mm. Ouais. Donc, si on n'est pas prédisposé à l'avoir, ça ne va pas limiter l'apparition de la maladie. Donc, l'alimentation sans gluten, elle est plus susceptible de conférer des avantages pour la santé, sauf, bien sûr, si on a la maladie cœliaque, où on doit l'éliminer. Maintenant, un désavantage aussi est que les aliments sans gluten peuvent être jusqu'à 5 fois plus dispendieux que les aliments équivalents qui contiennent du gluten. Donc, c'est à ne pas négliger. Donc, si je comprends bien, Karine, autrement dit, si on n'a pas de raison de s'abstenir, en fait, de ne pas manger de gluten, on en mange, je veux dire. Voilà. C'est ça. Exactement. Et puis, concernant finalement ceux qui... les compagnies qui font des produits sans gluten, quand tu disais que c'était 5 fois plus dispendieux, est-ce que c'est une hausse qui est justifiée, ça, ou on assiste encore une fois à un cas où des compagnies tentent d'exploiter des clients qui sont un peu captifs? Mais c'est sûr, c'est pas nécessairement 5 fois plus, mais ça peut être jusqu'à 5 fois plus. C'est sûr qu'on peut l'expliquer parce que ce sont des produits qui prennent plus de recherche pour développer les aliments sans gluten. Donc, on doit faire des tests, les coûts de fabrication sont plus élevés. Et malgré que c'est un marché qui est considérable, que je disais tantôt, qui a explosé, c'est quand même un marché là qui est restreint. Mais pour répondre plus précisément à cette question-là, là, il faudrait vraiment mener une enquête. Okay. Et danger aussi avec les aliments sans gluten, les gens qui enlèvent ça, qui remplacent beaucoup le gluten par le riz, parce que le riz est un aliment, en fait une céréale qui capte beaucoup l'arsenic qui se retrouve dans le sol naturellement. Le riz concentre naturellement l'arsenic qui est un élément toxique à ce niveau-là. Donc si vous utilisez beaucoup, vous mangez beaucoup de riz ou de substituts de gluten qui fait à base de riz, ben vous avez un risque d'avoir une plus grande exposition à l'arsenic. Puis c'est donc recommandé de cuire le riz exactement comme les pâtes. Vous savez, vous mettez beaucoup plus d'eau, vous cuisez, et puis là, vous enlevez l'eau, puisque l'eau va extraire du grain de l'arsenic, donc vous allez diminuer votre exposition à l'arsenic. Donc, autrement dit, plus qu'on met d'eau, plus que d'extraction, quoi. Tout à fait. L'arsenic va se retrouver dans l'eau au Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'eau suffisamment pour que le riz gonfle. Et oui, puis là, donc, vous captez tout l'arsenic que vous avez là. Voilà, exactement. Donc, on met plus d'eau et on débarrasse l'eau excédentaire et vous allez éliminer une grande partie de l'arsenic. Ah, ben, c'est une très bonne idée, effectivement. Et pourquoi exclure le gluten de son alimentation, Karine? Pourquoi on continue de vouloir l'exclure? En fait, on a des données là-dessus. Au Canada, il y a 22% des consommateurs qui choisissent des aliments sans gluten pour des raisons non médicales. Et parmi ces personnes-là, la majorité perçoit que les aliments sans gluten sont plus santé, hein, ce qu'il faut. Et auprès des Américains qui consomment des produits sans gluten, 33% d'entre eux pensent que la valeur nutritive est meilleure, eux aussi. Il y en a 25% qui pensent que les aliments sans gluten vont les aider à perdre du poids. Uh-huh. Et 10% qui croient que c'est un régime qui purifie l'organisme. On voit encore qu'il y a beaucoup d'éducation à faire dans ce domaine. Oui. Étant donné la popularité des aliments sans gluten, est-ce qu'on assiste à une croissance du marché? Mais selon des sources rapportées par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le marché mondial des aliments sans gluten devrait se chiffrer aux alentours de 6,2 milliards de dollars américains d'ici 2018. On y arrive. Et l'Amérique du Nord représente environ 59% de cette part de marché, puis c'est aux États-Unis que la croissance est la plus forte. Mais depuis 2016, quand même tout récent, la croissance, elle augmente toujours, mais elle tend à ralentir un peu en raison d'une petite baisse de la demande des consommateurs. Et les consommateurs ont d'ailleurs remarqué dans cette étude une amélioration de la qualité des produits sans gluten, okay. Donc meilleur au goût et aussi une variété de certains types de produits. Et qu'est-ce qu'on doit justement surveiller concernant le gluten, Karine? Bon, que l'alimentation sans gluten, c'est un traitement nutritionnel qui demeure déconseillé sans indication médicale. Ça, on le dit souvent, mais c'est toujours valide. Je recommande aussi d'être vigilant, de se rappeler qu'un seul aliment ou un seul nutriment ne peut pas être responsable de tous les maux. Uh-huh. Et important, si on soupçonne une allergie ou une sensibilité au gluten, de consulter un médecin d'abord avant de retirer le gluten de son alimentation. OK. Important, effectivement. Et est-ce qu'il y a des aspects positifs au gluten? Ben oui. En fait, on a beau avoir parlé du gluten comme étant un grand méchant, là, mais le gluten, c'est vraiment essentiel d'un nombreux produit qui sont très recherchés. Uh-huh. Alors, on a parlé tantôt le pain, les croissants, les bagels. Vous savez, si vous faites des bagels, c'est essentiel. Sinon, j'imagine, vous savez, la texture des bagels est un peu élastique comme ça. Mais il y a un produit qui essentiellement ne vit que par le gluten et je vous l'ai apporté aujourd'hui. Je me demande si vous avez pensé à ça. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ça s'appelle des pretzels. Ouais. Je vais faire le son là pour que les gens comprennent bien qu'on a amené ça. C'est réel en studio parce que les pretzels c'est super intéressant. C'est la protéine, les protéines du gluten qui vont réagir avec des glucides qui vont donner en fait par une réaction de Maillard les caractéristiques recherché chez les pretzels. En fait, c'est super intéressant. Ben, je vais prendre mes notes maintenant que j'ai mis tout ça là-dessus. Mais en fait, c'est ça. Lorsqu'on fait, on prend de la farine, on va la transformer, la pétrir et on va lui faire un traitement avec la soude. Ah. Et ce que ça va faire, ça va relâcher, ça va ouvrir certaines fonctions chimiques du gluten à la surface. Et là, tout de suite par après, on va aller cuire ça lentement. Et là, on va faire par la réaction de Maillard, on va développer des arômes et des goûts très particuliers. Vous savez, les pretzels, ça a une espèce de goût et arôme très particulier. Uh-huh. Et la couleur ne vient pas de la caramélisation. Ah. Non, absolument pas. Elle vient tout simplement de la réaction de Maillard qui va se former entre les protéines du gluten et les glucides. Okay. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ouais. C'est que cette réaction-là va produire des centaines de substances aromatiques et goûteuses qui vont donner un goût unique et impossible à reproduire de façon différente. Donc, il n'existe pas de substitut jusqu'à maintenant de pretzel sans gluten. Okay. Tout comme il n'y en a pas pour les bagels. Et peut-être que c'est une voie à développer. Si quelqu'un se cherche un créneau à développer, ça n'existe pas encore. Peut-être qu'il y a un créneau à exploiter avec la ruche. Vous partez votre propre pretzel sans gluten. Les pretzels au riz, par exemple. C'est probablement possible, mais c'est sûrement beaucoup plus complexe parce que le gluten est l'ingrédient essentiel des pretzels. Les pretzels vont vont coûter 5 fois plus cher. Minimum. Effectivement. Au moins. Eh bien, merci à vous deux, Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition en pratique privée, et Normand Voyer, professeur de chimie à l'Université Laval, d'avoir fait le point sur le gluten, cette substance. Et morale de cette histoire, c'est qu'on continue d'en manger à moins qu'on ait effectivement des problèmes avec. Et que la recherche avance, oui. Et il va y avoir des solutions bientôt. Il y a de l'espoir, effectivement. Alors, si vous connaissez des sites Internet où on peut se documenter davantage, vous nous les enverrez. On les mettra sur la page Facebook de Futur Simple. Ah, vous pouvez les prédire, j'en ai aussi. Parfait. Alors, on va faire une pause publicitaire et on vous revient après avec Valérie et Edith Delery qui vont nous parler d'éthique en sciences. Restez avec nous.